qu'il faut savoir, je sais pas si vous le savez, mais Sam Raimi, en plus, il a produit une super série. Ah ouais? Ah Tu ouais, rappelles c'est de une laquelle? série, je te jure, c'est de la génération de Mika et moi. C'est une série, Max, tu l'as regardée, je crois que c'était le samedi après-midi que ça passait, t'étais comme ça. Oh. Ah ouais, c'est vas-y, je vais Rien noter. que pour l'actrice et l'héroïne. Ah ok, d'accord. Mika, tu sais laquelle, non? Non, je me rappelle qu'il a fait comme série. Non, il l'a produit. Il l'a pas réalisé. Il Ah. l'a produit. C'est une Alors ça série. Voilà, je crois qu'elle est sortie en 95. Attends, je vais regarder. Et l'actrice principale, c'est Lucy Lawless, Lucie Loulès. qui a joué dans la série, dans une super série qui s'appelait Spartacus. Et je hey, Mac, mais c'est pas possible, Mika, tu veux savoir. Ça commence par un Xena. X. Xena. Xena la guerrière, ouais. Ah, alors là. Tu connais pas? Attends, je suis dessus là. Ah ouais, non, je connais pas. Sur Lucy Lawless ou Xena? Non, d'ailleurs, elle est. Lucy Loulès est dans le premier Spider-Man. Lucy Lawless. Bah, j'adorais, moi j'étais amoureux de cette actrice quand j'étais ado. Moi Elle je sais plus, personne n'est j'avais 11-12 ans quand je commençais à regarder Xena la guerrière. Ça passait, je crois, le samedi, et t'avais Ouais, aussi une série Hercule. parce qu'il c'est pas son cousin ou un truc comme ça. Ah oui, Parce Hercule. qu'il y a un crossover. Oui, elle apparaissait aussi dans Hercule, mais il y en a plusieurs. Je crois qu'il y avait plusieurs crossovers où ils apparaissaient. Non, moi, j'avais bien aimé, moi. Il y avait un crossover. Attends, je regarde. Ouais, il y avait Xena. Alors, en fait, oui, c'est ça. Il y avait deux crossovers. Il y avait deux crossovers. Et Xena Guerrière, c'est une série dérivée. C'est ça. Bref. Je sais même pas si on pourrait la retrouver, cette série, quelque part. Bref. Ça serait cool de la retrouver. C'est bien un truc assez d'Amazon Prime à te mettre ces vieilles séries-là. En plus, ça Ouais, fonctionne. ça leur fait un truc de plus au catalogue. Allez, boum, ça c'est donné. T'as Netflix qu'on enlève, Disney Plus qu'on rajoute, et puis, Amazon Prime, tu croises les doigts pour qu'il y ait un truc nouveau. Si tu veux, t'as la trilogie des Expandables, si tu veux. Bien. De vrais fondeurs de Moi, j'attends le Ouais, Seigneur des Anneaux. Mais... alors du coup, moi j'attends pas, comme ça je suis sûr de pas être déçu, parce que Ah c'était la oui. que... Bienvenue à l'épisode 9 de Marvelicious pour un épisode spécial sur Doctor Strange 2 in Arm. Attention, avec l'anglais In the Multiverse of Madness. Et en québécois, ça fait dans le multivers de la folie. Je sais même pas si c'est québécois. C'est horrible. On y perdrait le jeu de mots, je suis pas sûr qu'il est traduit, mais. Désolé pour les québécois. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Et là, le cauchemar commence. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger notre monde. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir. Wanda, que savez-vous du multivers? Vision avait une théorie. Il pensait que c'était dangereux. Il avait raison. Je suis navré, Steven. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Nous devrions lui dire la vérité. Les choses viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Attention ! Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Alors, du meilleur d'entre nous, parce non, qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'échelle des meilleurs podcasteurs, il est en haut. Voilà, il est en haut. Il est agaçant. Il est agaçant. Bonjour Max. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien, puis ça me fait plaisir d'être enfin invité dans ton propre podcast. Bah oui, parce qu'en fait, il faut savoir, c'est Max qui m'a tout appris. Mais non, arrête. Ah si. Non. Et en plus, alors, mes montages sont peut-être en carton, mais lui m'a appris à mettre en ligne. C'est vrai. Parce que mes montages sont en carton. Mais au moins, voilà. De quelqu'un qui vient tout le temps, et d'ailleurs, je l'adore, c'est Mika. Bonjour, Mika. Salut. Ça va? Bon, alors, c'est allé, hein. On est là. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on était sur un live et on parlait de Doctor Strange. C'est ça. Et je mettrai le live en description du podcast. Alors, on va parler aujourd'hui du Doctor Strange 2. En fait, il n'y a pas vraiment comme nom Doctor Strange 2. C'est vrai, oui. Il s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce Doctor Strange-là n'est pas une suite du Doctor Strange 1, puisqu'en fait, il suit, on va dire, plusieurs suites. Alors, c'est un peu la suite de la série WandaVision. Tu l'as vu, Max, ou pas, WandaVision? Oui, alors j'ai adoré WandaVision, moi, vraiment. Voilà. C'est peut-être une de mes séries Marvel préférées. Alors, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu Hawkeye, j'ai pas encore vu Moon Knight, il faut que je regarde absolument parce que ça me donne vraiment envie. Mais WandaVision, vraiment, moi j'adore. J'ai trouvé le parti pris ultra original, notamment avec les trois premiers épisodes. Et donc, ça me hypait pour Doctor Strange, d'autant plus que, juste, je fais une petite aparté, du coup, Doctor Strange, c'est de base un de mes persos Marvel préférés, même si j'y connais rien en comics, j'en ai lu aucun. Mais en tout cas, c'est dans les films, c'est un perso que je trouve super, qui a des pouvoirs vraiment originaux par rapport aux autres. Et donc ça me donnait envie de voir le 2, en tout cas. Et en plus, l'acteur, Benedict Cumberbatch, il est parfait pour le rôle. Oui. Vraiment parfait, un peu comme Tom Hiddleston. Oui, c'est... Non, pas Tom Hiddleston. Je raconte. Si, pour Loki. Tu parles de qui? De Loki. Oui. C'est Tom Hiddleston. Oui, c'est je pense à Tom Holland. Il y a tellement de Tom. Il y a Tom Holland. Oui, c'est Hiddleston. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il l'incarne bien. C'est aussi une suite de Spider-Man No Way Home. Donc là, vous l'avez vu aussi, tous les deux, Max aussi, tu as vu Spider-Man No Way Home. Qui, voilà, j'ai pas oublié. Et de Endgame aussi, quand même. Voilà, donc c'est le 28e film du MCU et le 5e de la phase 4. Et il est réalisé par quelqu'un qui n'est pas connu du tout, mais vraiment dans l'inconnu, Sam Raimi. Hein, je suppose que les gars, vous ne le connaissez pas non plus. Ah mais, non, là, pas du tout. Personne ne le connaît, ce gars. Personne. Sam Raimi, qui a d'ailleurs est un habitué de réaliser des films Marvel, puisque vous savez, je pense, lesquels il a réalisé aussi. Spider-Man, bien sûr. Bah oui, Spider-Man. La trilogie originelle, c'est avec... voilà, j'allais dire Tom Holland, mais pas du tout. Eh oui, du coup, non. Avec Tobey Maguire. Lui-même. Tobey Maguire. Ouais, un super accent. Ouais, ah, ça, c'est... Ah, attends, après avoir dit... Fantastique. C'est le pitre. Je peux au moins faire ça, si tu veux. Voilà. Donc, dans ce film, on se retrouve plusieurs mois après les événements de Spider-Man. D'ailleurs, vous avez dû voir, parce qu'à un moment, il parle de Spider-Man, c'était court, mais bon. Doctor Strange, en fait, va entre guillemets, découvrir qu'il y a un problème avec, je généralise, avec le multivers. Et il va demander de l'aide à Wanda, qui est la sorcière rouge. Et on va étudier ensemble ce qui se passe, ce que vous pensez des personnages. On va parler aussi de la réalisation du film, etc., etc. Alors, avant de commencer, de manière générale, Max, comment tu as apprécié ce film ? Bon, mauvais, super, excellent, pof, pas ouf. Moi, j'avais, comme je te dis, des attentes. J'avais vraiment hâte de le voir parce que je partais vraiment du bon pied, quoi, parce que j'adore le personnage et j'ai adoré WandaVision. Et je suis ressorti un peu déboussolé. Alors, au début, je ne savais pas trop pourquoi. En fait, je ne sais pas si Marvel est, pour quelqu'un comme moi, j'ai vu tous les films sauf Black Widow, mais je ne suis pas un grand fan de Marvel, je ne sais pas si ça ne commence pas à partir un peu dans tous les sens pour moi, dans une direction qui m'a un peu perdu. Alors, j'ai tout compris, enfin, j'ai compris le scénario du film globalement, mais voilà, peut-être que ça part un peu dans tous les sens, et aussi, même si c'est Sam Raimi, il apporte sa patte, on va en parler, en fait, je trouve que ces films-là commencent un peu à me lasser dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas vraiment de propos derrière, si tu veux, derrière le film, en fait. Mmh. Je comprends pas vraiment ce qu'on essaye de me raconter, mais en profondeur, c'est-à-dire que c'est divertissant, il y a des idées visuelles très cool, on va en parler, il y a plein de choses que j'ai bien aimées, je déteste pas le film, loin de là, mais je vois pas vraiment où ça veut aller, tu vois, par exemple, alors je vais prendre une comparaison un peu foireuse parce que ça n'a rien à voir, mais il y a une période où on faisait des blockbusters, comme par exemple des Jurassic Park ou des choses comme ça, où les réalisateurs étaient derrière et vraiment, ils avaient des choses à raconter. Par exemple, dans Jurassic Park, il y a tout un propos où John Hammond, c'est un peu Spielberg quelque part, et il raconte quelque chose vraiment de qui le touche. Et pour moi, avec ces films-là, on est plus dans vraiment de la production, et je ressens un peu moins la patte des réalisateurs. Là, on ressent celle de Sam Raimi, mais c'est plus de l'enrobage, c'est plus dans le visuel, etc., et dans la mise en scène que dans vraiment ce qu'on veut me raconter. Donc, on va dire que je suis ressorti mitigé, mais il y a quand même des idées visuelles qui m'ont bien plu et on va en reparler. De toute façon, on va développer. Donc, voilà. C'est ça. Tu as raison. Et toi, Mika, alors, du coup ? Alors, moi, comme tu le sais, vu qu'on en a déjà parlé, je suis ressorti du film mitigé. Non pas pour les mêmes raisons, mais parce que il y a des choses qui me gênaient dans le film. Je sais pas, je suis ressorti de là en me disant j'ai bien aimé, mais il me laisse sur ma faim. Il y a des choses qui sont pas là, qui manquent. Des choses qui ont été un peu trop survolées dans le film et d'autres qui sont allées beaucoup trop vite. Certaines choses que j'ai trouvées peut-être un peu inutiles finalement posées dans le film, il n'y en avait pas forcément besoin dans celui-là vu que c'était pas assez développé. Après, je trouvais qu'on était sur un bon film, on va dire, d'horreur, entre deux parenthèses, sauce Marvel, à la Raimi. Et dans l'ensemble, c'était pas un mauvais film, loin de là. Mais on est très très loin du meilleur Marvel qu'ils aient pu nous faire. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me gênait à la sortie du cinéma, quand même. Quelque chose qui me dérangeait. Vraiment, je restais sur ma faim. Un petit goût d'inachevé. Ouais. Et en plus, le truc, c'est qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont fait des reshoots quelques mois avant. Donc, il faut imaginer un peu le truc. Mais il faut bien se dire que c'est quelque chose qui est très courant maintenant à Hollywood, et c'est même plus nécessairement surprenant ou une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. C'est devenu courant, les reshoots. Donc, ça ne me surprend pas trop. Et il y a aussi, faut aussi le mentionner, je ne sais pas à quel point ça a joué dans la production, mais le film à la base devait être réalisé par Scott Derrickson, qui avait fait le premier et qui a aussi réalisé des films d'horreur comme Sinister, par exemple. Et donc, il y a eu un changement de réal en plein milieu de la production. Donc, je ne sais pas à quel point ça a impacté le scénario, etc. Mais voilà. D'accord. D'accord. Et pour toi qui étudies dans le mais cinéma, attends, juste avant les reshoots, ça signifie quoi ? Les reshoots, ça signifie quoi ? Est-ce que ça signifie parce qu'en fait, ils se disent, bon, le film n'est pas non plus tip-top, donc on va refaire des reshoots, ou parce qu'en fait, ils ont quand ils font la prod derrière et la réal, ils se disent, bon, il manque des scènes, ça ne va pas. Est-ce que ça veut dire qu'au tout départ, ils pensent que du coup, ils n'ont pas fait un film tip-top et donc il faut refaire des scènes ? Ou est-ce que ça veut dire tout simplement, en fait, on n'a pas terminé l'histoire parce qu'en parallèle, il y a d'autres films et d'autres séries qui arrivent et qu'au fur et à mesure, il faut qu'on renouvelle notre film à venir. Ça veut dire quoi, reshoot ? Pour moi, ça peut être un peu tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le tournage principal qui se fait et je pense que les studios, s'ils ressentent qu'il y a besoin de rajouter des choses pour peut-être lier le film dans le cas du MCU, lier le film au reste, tu vois, parce qu'il faut que tout soit vraiment très lié, créer du lien entre les films. Ça peut être pour ça, ça peut être parce que, voilà, ils ont décidé que telle scène était mauvaise, ou en tout cas qu'ils voulaient la tourner différemment, donc dans ce cas-là, ils retournent des scènes différemment. Ça peut être plein de choses différentes, en fait, mais c'est vrai que c'est assez courant. Et je voulais rebondir, parce que du coup, là, on enchaîne. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film, en général? Comica, en fait, je suis resté sur. Alors, c'est un bon film, rien à dire, c'est pas le meilleur du MCU, ouais. Mais c'est un bon film. Et le truc, c'est que il y a des moments, je reste effectivement sur un goût d'inachevé, parce qu'il y a des passages, en fait, j'arrive pas à trouver l'utilité, à part faire du fan service pour du fan service. Alors que quand t'avais Spider-Man No Way Home, t'avais du fan service à mort. C'est, du coup, c'est peut-être mais, ça aussi, mais c'était après laissé de côté, du coup, ouais, c'est intéressant. Et des fois, ça allait trop vite, trop vite. Il y a des scènes, on en parlait tout à l'heure, mais ça allait trop vite et je voyais pas l'intérêt à l'histoire, du tout. Donc, et je trouvais que dans Spider-Man No Way Home, le fan service était au service du film, tu vois. Et là, j'avais pas cette impression-là. Je pense que c'était du fan service pour faire du fan service. Voilà, mais sinon, c'était un bon film, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Voilà, c'est clair que. Ah oui, ça, par contre, j'ai pas non plus vu le temps passer, quoi. Ça, c'est le film, ça, est passé. Clair. C'est vrai que le film il passe tranquillou bilou, comme on dit. On va parler des personnages. Je ne sais pas si tu connaissais Max, mais América Chavez, qu'est-ce que tu as pensé du personnage? Tu la connaissais pas peut-être? Non, alors non, je la connaissais pas du tout déjà, donc ça a été une surprise. Et je la trouve un peu oubliable en fait. Honnêtement, mais d'accord. Non, mais t'as le droit. Je crois que Mika doit être de ton avis aussi, je pense. Mais pas grand-chose. Mais oui, elle est appelée aussi Miss America. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est... Mais d'ailleurs, elle a souvent pour les dans les comics, elle a un manteau avec l'étoile des États-Unis. D'accord. Tu la trouves oubliable, donc pas forcément essentielle. En quoi est-ce essentielle en fait. Pour toi, elle a pas d'utilité. Ouais, je sais pas, un personnage qui m'a marqué, quoi, en tout cas. D'accord. Mika. Disons que le truc de ce perso, c'est qu'elle est quand même le point central du film, le fil rouge de l'histoire, parce que tout le film se déroule, on va dire entre parenthèses, à cause d'elle, parce que c'est elle qui fait avancer l'histoire, mais le perso n'est pas développé plus que ça. C'est ça, en fait. On voit un petit peu son passé, on n'en apprend pas plus sur elle à la fin. Donc, je vais pas dire, je trouve ça dommage parce que oui, effectivement, le perso est relativement oubliable. Donc, j'espère qu'ils vont le remettre un peu en avant sur d'autres films. Le problème, c'est que c'est un perso où on ne peut pas faire un film que sur elle parce qu'il serait chiant, je pense. Mais, ça serait un bon song of role, je pense, dans un film plus tard. Mais c'est dommage pour celui-ci qu'elle n'ait pas été plus développée que ça, finalement. Mais il y a effectivement, en fait, elle est un des personnages principaux du film, puisqu'en fait, tout le film tourne autour d'elle et de son pouvoir. Puisque, en fait, la sorcière rouge veut absolument son pouvoir pour elle-même traverser le multivers. Et au final, ça reste un personnage insipide, si on peut dire ça. Mais au-delà de ça, par exemple, ça, c'est le goût d'inachevé. Elle sert à rien. Elle a un super pouvoir. Elle sait à peine l'utiliser. Et c'est à la fin du film qu'elle commence à casser des bouches. Quoi. Elle met une grosse patate. Je trouvais ça, mais nul d'attendre la fin pour enfin découvrir son vrai pouvoir. Et que, alors, peut-être que bon, moi, c'est fait exprès parce que on découvre qu'elle a son pouvoir qui se prononce lorsqu'elle a peur, mais quand même, quoi, tu te dis, jusqu'à la fin du film, c'est un peu trop long. On a vu différents Doctor Strange. Alors, on a vu le tout premier au début, Defender Strange, comme ça qu'on l'appelle. Quand, vous savez, il essaye de choper le livre de Vishanti pour contrer le Darkhold. Et ensuite, on a vu notre Doctor Strange à nous, donc de Terre 616. Et on a vu un autre Doctor Strange, beaucoup plus dark sur la fin. Donc, de manière générale, Max, est-ce que tu as aimé la façon dont on a traité, pas le personnage forcément de Terre 616, mais le personnage le héros de Doctor Strange. Ouais. Ouais, moi j'ai beaucoup apprécié surtout la version un peu dark du personnage qu'on retrouve vers la fin, et puis le fait aussi qu'il, on spoil complètement, il y a pas c'est pour ça que je fais, tardivement, parce que j'attends, parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça tout de suite à la semaine, c'était le soir, mercredi, dimanche, donc j'attends un petit peu, vas-y. Donc je vais sûrement mal décrire le truc, mais la séquence vers la fin du film, du coup, où ils utilisent le corps du Doctor Strange, qui est du coup un peu Doctor Strange zombie, on va dire, qui est ressuscité. Ouais, Zombie Strange. Ouais, j'ai trouvé ça super, super intéressant et original comme idée, surtout venant de Marvel. Je trouve ça quand même c'est sombre, quoi. Vraiment, c'est un truc qui est pas habituel. Et j'ai beaucoup aimé qu'il joue avec ça, et il crée même des petits trucs d'humour quand le personnage fait un clin d'œil à un moment donné, etc. Enfin, moi j'ai vraiment aimé ce traitement-là du personnage. Le personnage qu'on connaît du coup du MCU habituel, toujours aussi bien interprété, toujours aussi charismatique, et j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, globalement je suis satisfait de tout ce qui touche à Doctor Strange en lui-même. Et je sais, mention spéciale, ouais. Honnêtement, je sais pas si ça fait l'objet d'un reshoot, mais je sais pas si Mika, par exemple, t'as apprécié le combat entre Doctor Strange et Dark Strange avec les notes de musique, tu sais, et la musique qui est vraiment. T'en as pensé quoi, Mika? Moi, j'ai adoré. Alors, j'avoue que j'ai bien aimé cette scène. Je m'attendais pas du tout à ça, à voir les notes apparaître en l'air, à voir différents. On va dire un combat de compositeurs presque. Parce que c'était pas les mêmes compositeurs de souvenirs qui. Le premier compositeur du premier Doctor Strange, c'est Michael Giacchino, et je crois que c'est Elfman, je crois, pour le Doctor Strange. Attends, je vais regarder, mais je crois que c'est pas le. Oui, c'est ça, j'y suis dessus, c'est ça, c'est Elfman. Je serais pas étonné que ce soit Elfman, de toute façon, pour bosser avec Rémi. Non, mais je parle des musiques qu'il utilise, il y a quand même du classique dedans, il y a. Et ce combat, je l'ai vraiment trouvé sympathique. Ouais, pareil, l'idée est vraiment. Il y a 10 heures, j'ai envie de dire, vis-à-vis du film. Mais bon, on est sur du Strange, donc on n'est pas censé être étonné de ce qui est étonnant. Oui. Et puis même toute l'esthétique de cette scène, moi j'ai adoré. Il y a un plan super beau, je trouve, où il rentre dans cette espèce de manoir et où il y a des grands escaliers. Je sais pas si on voit pas la scène de ce plan-là dans la bande-annonce. D'ailleurs, il y a une espèce de lune rouge en croissant derrière l'escalier. Je trouve ça magnifique. Et pareil, quand ils arrivent dans ce salon-là avec le piano, la harpe, je trouve ça super beau visuellement, quoi. Pour le coup, c'est de super bonnes idées, quoi. Et en fait, c'est pas le manoir, c'est le. Oui, le sanctuaire. C'est le Sanctum Sanctorum. Oui. Où est Doctor Strange. Et le vois comme ça parce qu'il y a la collision de deux univers. Oui. Donc, c'est tout ce qu'il en reste d'ailleurs de ce monde. Voilà, c'est tout ce qu'il en reste, ouais. Et justement, c'est ce qu'on appelle les incursions. D'ailleurs, dans cette pause générique, on en parlera, mais il parle de. D'ailleurs, il le dit souvent le mot incursion hein, dans le film. En fait, quand tu as. Des univers qui s'entrechoquent, entre guillemets, ça fait ça. Ça fait un néant. Okay. Et il y a un comics qui s'appelle Secret War, justement, où tous les multivers s'entrechoquent. Et donc, tu as par exemple 3 Spider-Man dans le dernier univers qui reste, etc. Et ils se battent justement tous pour être dans le dernier univers. Voilà. Ça s'appelle Secret War. Voilà. Max, toujours Max, on va commencer par Max. Qu'est-ce que tu en as pensé de Wong? Wong, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a Wong quand même qui est le sorcier suprême, parce que suite au blip de Thanos, en fait, du coup, avait disparu Doctor Strange, donc il restait plus que Wong, et Wong est devenu le sorcier suprême, alors que dans les comics, c'est Doctor Strange qui est le sorcier suprême. Qu'est-ce qu'on a pensé du personnage dans le film? J'ai trouvé qu'il tenait bien le rôle, tu vois, mais pareil, j'en ai pas un grand souvenir, c'est-à-dire que. Moi, le film, c'est pas un film. On parlait de est-ce que j'avais aimé le film en général et tout. C'est pas un film qui m'a marqué, tu vois. J'ai vu le film 2 jours après sa sortie. Le personnage, c'est pas un personnage qui t'a marqué, c'est ça que tu veux dire, ce que t'as dit, le film. Non, mais je te dis en général, pour revenir sur le perso après, c'est-à-dire que le film, tu vois, il y a pas mal d'éléments qui me sont sortis de la tête, etc. Ça m'a pas marqué. Donc Wong, moi, je sais que j'aime bien le personnage, donc je l'ai apprécié. Mais après, te dire exactement dans le film ce que j'en ai pensé, un peu compliqué, mais. Mika. Bah écoute, moi je l'ai beaucoup apprécié le perso. Je trouve qu'il a vraiment une belle évolution depuis le premier film Doctor Strange. De chaque film où on le voit, j'ai l'impression que le personnage est grandi. Je trouve qu'il est un très bon Sorcier Suprême, puisqu'il tient bien son rôle, contrairement à Strange, dans les films. J'ai l'impression que ouais, c'est un bon mentor pour tous ceux qui toute l'école derrière, enfin, pour ce qui en reste après. Mais donc, il me semble qu'ils vont faire une série sur Wong que j'attends. Parce que le perso, je l'ai vraiment trouvé. Il me semble qu'ils vont faire une série. Ça peut être cool, ça, par contre. Et ouais. Je trouve que le perso. Et en plus, l'acteur qui joue Wong s'appelle Benedict Wong. Ah oui, d'accord. C'est marrant. De Benedict. Et l'acteur qui joue Doctor Strange, c'est Benedict Cumberbatch. Oui. Mais ouais, non, pour le coup, je trouve que le perso est vraiment excellent et j'espère vraiment qu'il y aura cette série dessus, parce que je pense qu'il mérite d'être vraiment développé. Alors, peut-être pour montrer ce qui s'est passé durant le Blitz, comment il est devenu Sorcier Suprême, comment il gère depuis. Ça. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce développement-là. Oui, c'est un personnage qui allie sérieux et humour. Et, oui, c'est vrai. Et qui sait en même temps que Doctor Strange est plus puissant que lui et qui dit « Bon, je suis quand même le Sorcier Suprême, donc voilà. » mais c'est vrai que c'est un personnage assez attachant. Alors qu'América Chavez, elle n'est pas forcément attachante. Non, oui. Alors que Wong, t'es facilement attaché. Quoi, quand à un moment, il tombe de la falaise, tu dis putain, on fait chier, quoi, j'espère qu'il n'est pas mort. Et, alors qu'América Chavez, honnêtement, ni chaud ni froid. Hein, c'est ce genre de truc. Voilà. Mais c'est vrai que le personnage de Wong est un personnage sympathique. Donc, à voir et à revoir, comme on dit. Maintenant, on va parler de la sorcière rouge, Wanda Maximoff. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Max ? Wanda, alors moi, j'ai trouvé que déjà, c'était la suite logique pour ce qui est de l'évolution du personnage. Et c'est très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Juste le petit bémol que je pourrais mettre, mais c'est pas vraiment le personnage, c'est que là où dans WandaVision, j'ai adoré la performance d'Elisabeth Olsen, là, il y a certains moments, notamment quand elle arrive justement. Alors, je connais pas les termes, mais tu sais, le palais où ils s'entraînent, etc. Quand elle attaque vers le début du film cet endroit-là et qu'elle se met dans les airs comme ça, j'ai trouvé qu'elle surjoue un peu à certains moments. Moi, il y a vraiment, ça m'arrive rarement durant les films, mais là, il y a certains moments où elle avait des expressions qui étaient, je les trouvais tellement abusives que ça m'a un peu sorti du truc et j'étais vraiment en mode, mais je la vois jouer, quoi. Mais à part ça, l'évolution du personnage en elle-même dans le film, j'ai beaucoup aimé. Elle reste très badass, son costume, je le trouve super. Quand elle est dans l'espèce de palais dans les montagnes là, à la fin du film, avec j'ai beaucoup aimé le personnage. Sinon, Mika. Alors moi, je vais commencer par le spoil que j'ai eu au début du film quand j'étais au cinéma, où quelqu'un a gueulé dans la salle. Ah, Wanda, elle meurt à la fin. Voilà, non, mais alors ça se fait pas. J'y ai pas cru quand j'ai entendu Wanda meurt à la fin. On sait pas si elle meurt à la fin. Oui, enfin, alors c'est vrai qu'en soi, moi je me demande si elle meurt. Moi j'ai un doute quand même. Hein. On l'a pas vu. Il y a peu de chance et je pars toujours du principe du pas de corps, pas de cadavre. Oui, c'est ça. sinon, voilà, pour le perso lui-même, j'ai été extrêmement surpris. En fait, que ce soit elle l'antagoniste du film, que les bandes annonces ne laissaient vraiment rien voir. Ah, moi je pensais vraiment que parce que pour toi, tant tu dis un truc intéressant, pour toi Wanda, c'est la méchante du film. Ah oui, moi je trouve oui quand même. Je vais pas dire pas moi. Ah ouais. Je vais pas dire méchante, mais pour moi c'est le Darkhold le méchant, le livre. Ah. C'est pas, elle est pas. Ah, parce qu'en fait, ils disent bien que dès lors que tu l'utilises trop, parce que c'est un art, enfin, c'est pas pareil, c'est un manuscrit de magie du chaos, quoi. Donc, du coup, si tu veux, les gens qui l'utilisent, ça les rend mauvais. Parce qu'à la base, Wanda, quand tu la connais depuis le début, elle est pas mauvaise, elle est gentille. Et là, en fait, tu vois, elle a les doigts noirs, je vous avais fait gaffe, mais elle a le bout des doigts noirs, etc. Ouais. Et en fait, c'est le Darkhold qui la rend complètement folle. Okay, ouais. Pour moi, c'est pas elle la méchante, c'est le Darkhold. Et d'ailleurs, ce qui confirme l'idée que c'est le Darkhold, c'est qu'à la fin du film, elle détruit tous les Darkholds de tous les univers. Oui. Mais du coup, de manière indirecte, enfin, de manière pas de sa faute à elle, elle joue quand même un rôle de méchante, tu vois. Elle reste l'antagoniste du film en soi, et je m'y attendais pas un brin. Quand on connaît le perso, on sait à quel point elle peut être puissante et les merdes qu'elle a pu foutre dans les comics. Enfin, je vais repenser à House of M, par exemple. Je m'y attendais pas, vraiment. Je me demandais justement qui était l'antagoniste du film en voyant les bandes annonces. Et c'est vrai que ce moment où il va la voir, où il lui dit j'ai besoin de ton aide et compagnie, et que on se rend compte à ce moment-là que c'est elle finalement qui est responsable de tout, ça m'a agréablement surpris. Et elle tient bien son rôle après en méchante. J'ai trouvé ça intéressant. C'est sur l'idée de fond du pourquoi elle fait ça qui m'a un peu plus gêné. Et c'est même dit dans le film que si elle va chercher ses enfants dans un autre univers, bah, c'est pas les siens et qu'elle va les voler à une autre. Et c'est plus ça qui m'a un peu gêné plutôt que d'essayer de ramener les siens ou de les recréer. Qu'elle essaie juste d'aller échourave les gamins de notre, quoi. C'est sur le principe, c'est du kidnapping dans le multiverse, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui. Est-ce que le TVA va intervenir? Je pense qu'il y a eu tellement la merde dans Loki que le TVA, à mon avis, on va pas en entendre parler avant un petit moment. Mais c'est surtout que tout le monde explique que si jamais on fait une intrusion, ils ont appelé ça déjà une inclusion, je crois, dans un multiverse, donc qu'on prend quelqu'un d'un autre univers et qu'il reste trop longtemps dans un autre univers, c'est ce qui cause le fait que les univers s'entrechoquent. Donc en gros, si elle va chercher des gosses dans un autre univers, bah, elle va juste détruire les deux univers dans la finalité. Parti, je suis sûr qu'elle ira juste les chercher dans un autre univers au fur et à mesure, mais elle est capable de détruire l'entièreté du multivers comme ça, quoi. Et tu vois, il y a un truc qui m'a gêné tout à l'heure, tu disais comme moi qu'il y a des choses qui allaient trop vite. Bah, un truc qui allait trop vite, c'est que il va la voir là dans son champ de pommiers pour avoir de l'aide, et direct elle lui dit non, mais en fait c'est moi. Oui, c'est vrai que tu vois, ça m'a gêné. Oui, non, je suis d'accord. Ouais. t'as même pas une petite enquête, tu vois, une toute petite truc. Ouais. Et c'est un quart d'heure le temps que Dr. Strange se rende compte que c'est elle, quoi. Non, en fait, c'est moi, tiens. Et puis, tiens, je change la couleur de... c'est vrai, oui. En fait, elle perd de surtout parce qu'il lui dit, j'ai quelqu'un. Et elle lui dit, oui, amène-moi à America. Et après, elle se tourne en disant, oups, tu m'avais pas dit son nom. Oui, bah, tu vois, c'est ça. Ça, c'est le truc que j'ai pas apprécié. Tu vois, ça va trop vite, trop vite. C'est... Voilà, bref. C'est dommage pour ça, ouais. Est-ce que t'as, Max, est-ce que t'as apprécié comment le film traite du multivers? Parce que c'est vrai que c'est multivers au Madness. Et c'est vrai qu'on a eu, avec Mika notamment, des personnes qui disaient on n'a pas assez traité le multivers. Ouais. D'autres qui disaient non, on traite suffisamment pour pas que ça complique non plus trop. Toi, qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé du traitement du multivers dans ce film? Bah, alors c'est peut-être après vis-à-vis de mes attentes personnelles, mais par exemple j'ai beaucoup aimé la séquence où il traverse plein d'univers et il y a plein d'idées différentes. Ah ouais, visuelles, ça c'est enfin bref, c'est trop bien, c'est visuellement trop beau. D'ailleurs, à un moment ils sont en personnage de bande dessinée, je crois. Oui, et ah oui. En aquarelle, c'est, etc. Oui, c'est trop bien, c'est vraiment. Je me suis dit peut-être clin d'œil aux productions Spider-Man en cours chez Sony. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et est-ce que t'as pas été perdu? Est-ce que t'en as vu suffisamment du multivers pour être sustenté? Bah, en fait, je me pose la question de comment ça va être réutilisé à l'avenir, parce que pour moi, l'arrivée du multivers dans ma tête, c'est vraiment quelque chose qui ouvre un nouveau pan et qui va être réutilisé un peu dans plusieurs films, etc. Mais en fait, si tu veux, cette séquence-là, je l'ai adorée, dont je parlais, où il traverse tous les univers, mais ensuite, on est surtout dans un univers. Alors, je sais plus quel est son numéro ou son nom, c'est cette espèce de ville un peu futuriste. 838. 838, voilà, la planète, 838. Enfin, l'univers 838. J'ai pas trouvé cet univers-là ultra original pour le coup, visuellement. C'était assez, je sais pas, je trouvais ça assez fade. Donc bon. Et après, on va sûrement parler de la séquence, du coup, avec toutes les interventions des différents personnages, du professeur Xavier, etc. Mais ça m'a laissé un peu sur ma faim, je sais pas, ouais. Je pense qu'ils auraient quand même. Faire... Ouais, je pense qu'ils auraient pu en faire plus. Après, encore une fois, c'est à double tranchant. L'univers dont on parlait, qui a eu l'entrechoc là, etc. Avec le où on a juste le sanctuaire, ça par contre c'est super. Ouais, ça double oui. tranche. Oui, c'est vrai que. Mais toute cette partie-là, qui est, moi, je l'ai ressenti assez long dans le film où ils sont dans cet univers 800. 38. J'ai un peu moins apprécié cette partie-là du film et j'ai ressenti un petit ventre mou personnellement à ce moment-là. Donc. Il y a la scène à la fin où elle décapite tout le monde. Alors là, par contre, c'est génial. L'expression « ventre mou », ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu. Ah, mais oui. C'est le ventre mou du multivers. Le ventre mou. L'univers mou. Mika, est-ce que tu as bien aimé, toi, comment on traitait le multivers ? Non. En fait, j'ai été assez déçu. Parce que pour un film qui s'appelait « Multivers of Madness », je trouve qu'on n'en voyait pas assez du multivers. J'aurais presque préféré en fait un film avec une, on va dire une course poursuite à travers différents univers. Ah, ça aurait été génial ça. Alors, je sais que toi t'en penses que ça peut perdre un spectateur, mais pour moi je me dis ça aurait été un bon moyen de voir plusieurs versions des mondes sans forcément y passer des heures dedans ou justement là pour le coup on reste très longtemps dans 838 pour rien finalement. Parce que les seules choses qu'on découvre, c'est... Ça, on est d'accord. Je suis complètement d'accord. On reste dans 838 assez longtemps pour rien. Il suffisait de poser au début du film vraiment les bases de ce que c'est le multivers, comment ça fonctionne, etc. Limite, une séquence un peu chiante d'explication, c'est pas grave. Et ensuite, comme tu disais, de faire une espèce de course-poursuite à travers plusieurs univers, que s'attarder là sur cette longue partie du film, qui est un peu mollasse une fois, mais... C'est ça, moi je suis un aficionado de la série Slider, tu vois, par exemple. Bah, j'aurais bien aimé limite quelque chose comme ça, en passant d'un monde à l'autre assez régulièrement, juste pour avoir un visuel, voir les trucs. Après, j'étais aussi déçu par le fait que les acteurs sont les mêmes pour les personnages, alors que ce soit dans Loki ou dans le dernier Spider-Man, on voit qu'il y a des variations au niveau des... Oui, c'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. Les visages des personnages, que c'est pas les mêmes acteurs. Alors pour Spider-Man, on va dire logique, parce que les films étaient sortis avant, et du coup, ça posait une base du multiverse, comme quoi les variantes n'ont pas la même gueule. Mm. Avec Loki, on voit clairement que les variantes n'ont pas la même gueule. Mm. Et là, on arrive, on nous présente trois Docteurs Strange, quatre même, parce qu'il y a celui du 838, mais s'il se fait désinguer... On voit que c'est le même acteur encore une fois. Mordo, c'est le même dans les deux cas. Wanda, c'est la même dans tous les univers aussi. Et je trouvais ça un peu dommage de pas jouer là-dessus pour montrer plusieurs variations, on va dire, des personnages autres que ce qu'on peut voir avec les Illuminati qui ont repris eux-mêmes déjà des acteurs qui ont joué les rôles. Pour moi, ça m'a pas dérangé. Hein. Que ce soit pas des variants. Ça m'a pas dérangé. C'est d'ailleurs quand tu regardais Loki, t'avais effectivement plusieurs variants, mais t'avais quand même Loki président. Je crois que c'était toujours le même Loki. C'est pas dérangeant. Parce que moi, pour moi, j'en ai eu suffisamment de multivers parce que le multivers, c'est un ressenti. C'est pas forcément du visuel. Et dès lors que tu ressens en fait que tu as plusieurs univers et des champs d'univers. Eh ben, tel personnage, tel super-héros, telle personne a une vie sans doute différente. Et d'ailleurs, on voit dans Terre 838 qu'en fait, sans Doctor Strange qui s'est sacrifié, Thanos aurait gagné. Tu as l'autre Doctor Strange, Dark Strange, qu'on voit. Tu vois bien qu'il est un peu paumé. Donc, tu vois, tu as peut-être pas vu beaucoup de multivers, mais tu as l'esprit. Et dès lors que tu as l'esprit, ça passe. Et je reste persuadé que la plupart des gens qui vont voir les films du MCU, suffit de voir. Je suis tout seul avec ma femme à rester au bout, avec quelques personnes, à attendre la scène post-gène. Trois quarts se lèvent et s'en vont. Dans un univers, les gens restent. Je me renseigne toujours, et c'est grâce à toi que j'ai eu l'information, de savoir s'il y avait deux scènes post-gène ou pas. Tu vois si tu veux, il ne faut pas oublier non plus que tout le monde n'est pas forcément abonné à Disney+, que tout le monde n'est pas forcément lecteur de comics. Il y en a certains qui vont voir juste parce que un bon Thor va péter des bouches et ça les plaît. Tu regardes une des séries qui est plus appréciée, Marvel, pour moi c'est la moins bonne, c'est Le Faucon et son univers, c'est la moins bonne. Oh, c'est et pourtant c'est celle qui a été une des plus appréciées. Tu vois, Et t'as plein de gens que je connais qui vont me dire, bah Wanda, bon, moi j'ai arrêté au bout du deuxième épisode parce que ça m'a gavé, parce que je comprenais rien et que voilà. Loki, pareil, tu vois. Et je reste persuadé que là, il fallait qu'il fasse un ressenti, qu'on ressente en fait qu'il y a un multivers et qu'il y a possible différents Doctor Strange. Et je me mettais à la place des gens qui ne connaissent pas forcément les Marvel, etc., et qui sont fans comme nous. Que bah, pour eux, bah, ils ne sont pas perdus. Et je pense que ce que voulait faire sans doute Marvel, c'est pas de se pas perdre les spectateurs. Après, tu as quand même, comme vous avez dit tous les deux, des éléments de goût. Ça va trop vite, c'est inachevé. On a déjà parlé avec Mika, mais sur 838, qu'il soit là ou pas là, ça change rien. Autant aller voir directement Doctor Strange et c'est réglé. Ouais. C'est-à-dire que Terre 838 a... Elle prend possession Wanda d'une autre Wanda, qui d'ailleurs a l'air de se faire laisser faire grâce à un rêve passerelle comme si de rien n'était, donc elle a l'air même pas de se défendre, alors qu'elles sont censées être aussi puissantes. T'as quand même quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et on voit bien que c'est du Sam Raimi, c'est la course-poursuite dans les égouts, là, ou dans les sous-sols, oui. Qui était plutôt appréciable. Mais les Illuminati, ça a été bâclé, c'est-à-dire que c'est censé être un sorte de TVA du multivers, au final, tu découvres que c'est les Avengers de la Terre 838, mais ils ne sont pas tip-top, en fait, parce que sans Doctor Strange, ils n'auraient pas gagné. Alors que dans Endgame, nous, ils étaient besoin d'être tous solidaires pour gagner contre Thanos. Là, tu vois bien que sans Doctor Strange, il ne valait rien. Et puis surtout que elle se les fait en deux secondes, quoi. Enfin, ouais, alors ça, moi, ça me fait rire. Voilà, c'est rigolo, mais... Mais tu vois... Monsieur Fantastique, qui est un personnage puissant... Fini en ficello, voilà. Oui. Mika va nous parler de Flèche Noire, vas-y, t'as apprécié. Ah, mais moi j'ai adoré, hein. Le traitement du perso était magnifique. On aurait dit qu'il se vengeait sur la série Les Inhumains, tu vois, à ce moment-là. Ils ont dit non, mais vas-y, littéralement, ferme ta gueule, et ça l'a tué. De toute façon, il faut pas qu'il parle, parce que s'il parle, il tue les gens. Mais. Fais gaffe, il va te parler. Ah bon, avec quelle bouche? Et puis là, et boum, c'est ridicule, le son sort pas, donc c'est revenu en arrière, ça lui a pété à la gueule. Et j'ai trouvé ça complètement con en plus, pour un des persos ultra puissants comme ça, limite ça aurait dû créer une bouche au moment où il parle, lui déchirer la peau, quoi, tellement c'est puissant. Mais non, ça a été vraiment bâclé, quoi. T'as celle qui s'en sort le mieux, c'est ma fiancée d'ailleurs, c'est oui, Captain Carter, ma femme. Oui. Elle s'en sort pour le mieux, mais elle finit découpée en deux. Hop, elle finit en tacos. En deux secondes. Et puis, Captain Marvel, elle se fait écraser par une statue alors qu'elle est censée. Elle est capable de traverser dans Endgame un vaisseau alien. Puis elle l'écroule. Là, elle se prend une statue, elle est morte. Le côté très brut du truc, d'un côté c'est ridicule et d'un autre côté j'ai trouvé ça très fun, tu vois, genre, je veux dire, visuellement c'est fun, ça passe bien, mais par rapport aux persos, je veux dire, des persos aussi puissants qui se font et Mordo, lui, il se barre en courant parce qu'il a trop peur. Oui, c'est vrai. Il a plus de pouvoir à ce moment-là, vu qu'il a les bras. Et après, il y a un moment qui était sympa, mais il a été mal exploité, c'est quand professeur Xavier, en fait, il rentre dans l'esprit de Wanda. Ça, je trouvais ce moment vraiment sympa. Et en fait, en deux secondes, il tombe blackillé où elle arrive dans une fumée rouge et qu'elle lui casse la nuque, quoi. Ouais. Enfin, ça, tu vois. Oui, oui. Elle a tué son esprit, ce qui l'a tué. Ouais, c'est ça. À la limite, je trouve que c'était peut-être la mort la plus réaliste, on va dire, au niveau des personnages. La plus correcte qu'on ait vue, parce que l'autre qui se bouffe, comme tu disais, une statue qui est faite de scénarium, visiblement. Carter qui se fait couper en deux par son arrête, dossier, arrête. Ça va aller. Non, mais t'inquiète. Et tu sais que quand je l'ai vu, il y a plein d'autres univers, tu sais. Tu sais que tous mes potes m'ont gardé la surprise qu'elle était là. Voilà. Du coup, je regarde mon épouse à ce moment-là. Quand elle sort, mais le pire, c'est que j'ai pensé à toi quand j'étais au ciné, je savais que c'était ta chou. Je regarde mon épouse, elle fait. Elle fait un grognement. Bah quoi, elle est là? Oh là là. Non, mais j'espère vraiment qu'ils vont la garder, j'espère, ce Peggy Carter. Parce que bon, c'est bien de la voir dans What If, mais on va la revoir, je pense, dans What If, dans la série What If. Mais, mm-hmm. mais j'aimerais bien qu'ils en fassent un film, ça peut être sympa. Parce que c'est un variant de Captain America au final. Donc, donc ça peut être sympa. En plus, elle a même état d'esprit que Captain America. Donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'elle n'a pas pu faire ça toute la journée. C'est ça. Voilà pour le film, on va pas aller plus loin parce qu'il y a des gens peut-être qui l'ont pas vu et que bah de toute façon je pense qu'il y a suffisamment de chaînes YouTube qui ont fait des lives, etc. dessus. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une scène, Max, qui t'a plus marqué et une que t'as bien aimée, une que t'as pas aimée? Une que j'ai bien aimée, une que j'ai pas aimée. Dans les scènes que j'ai bien aimées, j'aime beaucoup la scène où il est alors comment décrire ça, en haut de la montagne, il y a des espèces de démons. Tu vois, qui tourne autour de lui, autour du Strange Zombie. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment... Ah oui, qui lui dit qu'il enfreint une règle du rêve passerelle. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça complètement détraqué. J'ai adoré cette scène. Et dans les scènes que j'ai pas aimées, vraiment pas aimées, je sais pas, je dirais que la première scène d'action, là, quand il saute du balcon, qu'il attaque l'espèce de monstre, bon, je n'ai pas trouvé ça super. À part à la fin... Gargantos, ça, qui avait l'œil. Ouais, ouais. À part à la fin, quand tu lui arraches l'œil, où là, pour le coup, tu te dis, ah oui, bon, ok, il y a Sam Raimi et tout, mais bon. Ouais. Ben, non, oui, non, allez, les scènes que j'ai moins aimées, globalement, comme je disais, c'est tout le passage dans cet univers parallèle qui est un peu mollasson, quoi, dans le film. Et qui, au final, sert à rien, au final. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce que j'ai le moins aimé, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est du fanservice qui sert pas le film. Alors que Spider-Man No Way Home, clairement, le fanservice a servi le film. Par contre, tout ce qui est vraiment vers la fin du film, là, donc, dont on a déjà parlé, ça, j'ai beaucoup aimé. Mais, ouais. Mika, une scène que tu as bien aimée, une scène que tu n'as pas aimée? Oh, bah alors, pour ne pas aimer, je pense qu'on va se retrouver dessus. Tout le passage 838, finalement, il ne sert à rien. À part te montrer que, oulala, elle est puissante, elle peut tuer des gens qui ont l'air impuissants. Et j'ai pas non plus aimé le système des menottes anti-magie, je trouve ça un peu simple, tu sais. J'ai oublié. Et t'en parles, j'avais complètement zappé. Oui, moi aussi. Regarde, tu es puissant, finalement non. Bon, bah d'accord, un artefact suffit à retirer leur pouvoir. Qu'ils soient moins puissants, j'aurais compris, mais on parle quand même des plus puissants sorciers de l'univers. Les menottes scénaristiques, je sais. Non, tout pareil, c'est fait en scénarium. Et. Non, vraiment, tout le passage 838, je l'ai vraiment trouvé chiant. Il n'apporte pas grand-chose à l'histoire. Il aurait pu être très raccourci. On aurait pu zapper complètement les Illuminati et passer à autre chose directement. Ça aurait été plus rapide. Après, passage que j'ai beaucoup aimé, je vais te dire, le combat Strange, justement avec la note de musique, comme on parlait. Ouais, trop bien ça. Et, tout ce côté, comme tu disais, rêve passerelle, moi, j'ai beaucoup aimé, justement. Ouais, quand il revient en zombie, et le personnage zombie, je le trouve vraiment drôle et excellent. Oui. Il peut y passer vraiment tout seul. La cape faite de démons, visuellement, c'était génial. Après, le combat en lui-même contre Wanda, je vais éviter d'en parler parce qu'il était nul. C'était vraiment du... Mais tu vois, c'est exactement ce qu'on disait, c'est que Enfin, c'est là où j'ai pas compris. T'as Doctor Strange qui est super puissant, qui est d'ailleurs, pour moi, de tous les super-héros Marvel, pour moi, le plus puissant, c'est Doctor Strange, et en dessous, c'est Hulk, tu vois. Et pour moi, je dis pas... Mais bon, en tout cas, on sait que c'est un personnage, c'est le super-héros le plus puissant de tous les super-héros Marvel, et il passe son temps, tout le long du film, à fuir, elle s'appelle, Wanda. Et c'est à la fin où il dit, bah tiens, je vais prendre le corps de Defender Strange en zombie. Et là, Wanda se situe. Tu vois. Tu peux pas tester, il avait une queue de cheval. Ouais. Ouais, mais bon, quand même. Ça, c'est genre de truc. Pour mes scènes, pour moi, ma scène préférée, c'est exactement comme toi, Mika. C'est la scène où le combat avec Dark Strange, où il se bat. Surtout la musique, en fait, je reste dessus. Pourtant, je ne suis pas forcément un fan de Danny Elfman, mais franchement, j'ai trouvé excellente. Et ça va jusqu'à Max, comme il dit, jusqu'à que les harpies, là, qui portent atteinte à une des règles fondamentales ou un truc comme ça. D'ailleurs, on ne sait même pas c'est quoi, du multivers en allant incarner un mort. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas ça, en fait, qui fait qu'il y a une incursion à la fin, c'est quand ils en parlent. C'est qu'il a enfreint une règle. Enfin, après, on verra. Une règle interdimensionnelle, quoi. Peut-être, je sais pas. Hein, j'en sais rien. Je sais pas si c'est lui ou pas, hein, parce qu'elle vient lui dire qu'il y a eu un problème avec Strange. Pas forcément lui, du coup. Oui, pas forcément lui. Et là, ça. C'est comme vous, en fait, Terre 838, j'arrive pas à voir l'intérêt. Ils finissent dans des cages en verre avec des. Bah, avec les menottes, du coup, et puis. Il y a Mordo qui t'explique qu'il n'aime pas Doctor Strange, mais il s'en fiche, il les met tous dans le même panier. Enfin voilà, c'est toutes ces scènes-là. C'est comme Mika. C'est vraiment celles qui ressortent le plus. Voilà. Mais si, une scène, vraiment la micro-scène qui est sympa, c'est que tout à l'heure, Max, c'est celle où il traverse plusieurs multivers. C'est la petite courte scène, toute courte, tu sais, qui fait plaisir, où ils en passent. Où ils en passent plusieurs. D'ailleurs, petite note, tu te souviens combien elle a vu d'univers ou pas, America Chavez, elle le dit. Alors là. Max. Non, je sais plus du tout là. Mika. Je me rappelle. Plus 72. Elle dit bien une somme 72. Elle dit normalement, elle dit 72. Elle dit 72. Ouais. Merci les gars pour cette première partie. Il y a le passage avant aussi, juste vite fait dans le palais, où il y a un passage où il y a des mains qui passent à travers les murs et tout. Là, ça, c'était très cool aussi. Ah oui, avec le miroir, la zone miroir. Ouais, ouais, c'était très cool aussi. Oui, il fallait qu'ils enlèvent les reflets. Oui, c'est vrai que c'était original en plus. C'était original. Ouais, ce passage était assez sympa. Et, mais aussi, c'est reprochable parce que quand Doctor Strange le fait, elle doit en chier pour en sortir. Et là, elle le fait comme si c'était normal, tu vois. Quand c'est tu vois ce que je reproche, c'est que Doctor Strange est le plus puissant et elle le fait normal. Et à l'inverse, normalement, elle est méga puissante, elle, et America Chavez lui met des patates dans la bouche en moins de deux à la fin. Enfin, tu vois. Les raccourcis comme ça, c'est des trucs que j'arrive pas. C'est un bon film, mais comme dit Mika, tu restes quand même avec un goût d'inachevé au bout ou de choses qui vont trop vite. Mais après, quand tu vois les entrées qu'ils font, et là, je sais plus combien ils ont de millions au box-office, enfin, ça marche. Oui. Ça marche. Donc, c'est le problème, c'est que ça marche. Ouais. Du coup, si les gens. Pas forcément, mais. C'est pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est un film qui fonctionne. Voilà. Donc, ouais. On va parler de Sam Raimi, parce que, bon, on a parlé du film, mais on a parlé de la réalisation. Mon petit Max, Sam Raimi, oui. Tu connais, tu connais pas? Si tu connais. Je connais, mais tu vois, les Evil Dead que je connais bien sûr de nom, j'ai vu quelques extraits par-ci par-là, mais j'ai pas vu les films. Donc tu vois, je serais pas de faire le comparatif du ça, c'est vraiment 100% le style de Sam Raimi, etc. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans Doctor Strange, là, il y a certaines idées, comme on l'a dit, qui sont trop cool. Le truc avec les harpies, le Doctor Strange zombie, etc. Ça, c'est super. Mais il y a d'autres effets que j'ai trouvé qu'ils étaient un peu dépassés maintenant, un peu ringard. C'est à dire que par exemple il y a beaucoup de passages où t'as les personnages qui ouvrent les yeux et t'as un effet de son, quoi, un bruitage où ça fait tam quand ils ouvrent les yeux, et j'ai trouvé ça assez à la limite du kitsch en fait. Donc c'est un peu à double tranchant, quoi, la patte de Sam Raimi à ce niveau là mais ouais. Mon petit Mika, moi, je trouve que tu retrouves la patte Raimi, le style horreur. Après, on va pas dire qu'il a fait que des bons films, j'ai envie de dire. Il y a quand même des petites saloperies dans ça. Mais j'étais content de retrouver du Raimi, voir ce qu'il peut faire sur du Marvel. C'était intéressant. Moi, je les ai vus, les Evil Dead. Hein. Malheureusement, les quatre et... le reboot qu'il a fait, le quatrième, là, qui est le remake du premier, je trouve qu'il a violé sa propre œuvre avec. Notamment dans les choses que je trouve qu'il a pas super réussi en termes de film. Après, j'aime bien Raimi dans l'ensemble. J'étais content de retrouver Bruce Campbell dans le film, même si je l'ai pas reconnu. Je l'ai reconnu que dans la scène post-G. Ah ouais? Pourtant, il apparaît tout le temps dans les films de Sam Raimi. Il est dans les trois Spider-Man. Ouais, je sais, je le cherchais dans celui-là, et en fait, je l'ai pas reconnu. Moi, c'est pareil, qui n'était pas un grand connaisseur, c'était mon pote avec qui j'étais qui m'a fait un petit coup de poule comme ça. Mais c'est qui? Et puis là, il me dit, mais c'est le mec de Spider-Man et tout. Mais c'est vrai que ça m'est pas revenu comme ça quand je l'ai vu. En fait, dans la deuxième scène post-générique, il se met des pains dans la figure avec ça. C'est et drôle. Ça, c'est une référence à Evil Dead 2, je crois. Evil Dead 2, d'accord. Le 2, ouais, quand il se coupe la main et qu'il lui met des pains. Est-ce que t'as bien aimé la façon où Max a été tourné un peu dark horreur? Alors c'est pas de l'horreur, C'est un peu dark, mais c'est pas forcément. Ouais, non, c'est pas forcément de l'horreur, mais il apporte un truc un peu brut qui était pas forcément présent dans le MCU. Tu vois, que je parlais de la scène au début où à la fin il tue le monstre en lui arrachant l'œil, quoi. Et ça, c'est de suite tu te dis ah oui, donc là ah il va y avoir un truc un peu différent, tu vois, ça va envoyer un peu. Parce que c'est que j'ai bien aimé quand il lui a enlevé l'œil avec, ouais. avec le pieu, aussi, avec voilà. le réverbère, je crois que c'est un réverbère. Ouais. Ça apporte un petit peu de sel, tu vois, aux scènes d'action qui sont vraiment cool. Et même si, dans le principe, quand il tue là, tout le monde chez les Illuminati, bon, ben, scénaristiquement, etc., bof, bof, parce que les persos sont ultra puissants. Quand ils sont tués en eux-mêmes, en termes de mise en scène, c'est aussi très cool, tu vois. C'est rare dans Marvel qu'on voit des petites touches de sang par-ci par-là. Alors ça reste très léger, ça reste quand même tout public, je trouve. Mais c'est cool, quoi. Ça apporte. C'est vrai que ça apporte un peu de fraîcheur à ce niveau-là dans la mise en scène. Mika. Ouais, bah pareil. Moi, je trouve. C'est vrai que je dis depuis le début ce côté style horreur. Enfin, parce que oui, c'est pas un film d'horreur, mais c'est stylisé horreur. Qui faisait plaisir à voir, qui changeait un peu de l'habituel Marvel, parce que ben, on tourne en rond depuis assez longtemps, je pense. Ça apportait un, je vais pas dire un peu de fraîcheur au genre, mais ça permet de se lancer sur, on va dire, un autre style et peut-être dans les futures productions, peut-être qu'ils vont se dire, bah tiens, le style horreur a fonctionné, on va peut-être essayer d'autres genres plutôt que ce qu'on fait jusqu'à maintenant et, voir ce que ça peut donner, parce que il y a très peu de films qui sont sortis de l'ordinaire. Et, malheureusement, un qu'on adore tous les deux et qui sort de l'ordinaire n'a pas fonctionné. Je parle des Éternels. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Les Éternels, j'adore. Les Éternels. Et, je trouve ça vraiment dommage quand on essaye un peu de sortir des plates-bandes que ça ait pas forcément fonctionné et que là, ils ont quand même essayé, je veux dire sûrement en laissant un minimum carte blanche à Rémi, pour faire un film dans son genre. De voir que ça fonctionne, et je me dis oui, si on peut peut-être arriver à avoir des genres différents selon les films maintenant, et à pas avoir cette impression de toujours avoir la même chose, entre parenthèses, les films sont différents, mais on retrouve toujours le même genre, je trouve, à la réalisation. Ce que je trouvais un peu dommage, il y a, grosse parenthèse, Thor Ragnarok sortait du genre aussi vis-à-vis des Ah Thor. Oui, moi j'aime beaucoup Thor Ragnarok. Ouais. D'ailleurs, j'attends beaucoup le prochain. Et pourtant, Thor Ragnarok, il fait pas lui. Ouais, moi je l'adore. Honnêtement, c'est mon Marvel préféré. J'attends beaucoup le prochain. Parce que là, pour le coup, aussi, on ressent vraiment la patte du réalisateur. Mais j'avais beaucoup aimé son Jojo Rabbit aussi, qu'il a fait entre deux. Enfin, voilà. Et. Un autre film Marvel, je trouve, qui sort un peu des plates-bandes et que j'aime beaucoup, même s'il a des gros problèmes de scénario pour moi, c'est le deuxième opus des Gardiens de la Galaxie, que je trouve visuellement, mais je trouve que c'est un film qui arrache, tu vois. Genre, il y a des idées, des séquences qui sont super cool. Après, bon, je trouve le scénario moyen. James Gunn, mais, non ? Ouais, c'est James Gunn, qui va aussi revenir pour le 3, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire aussi. Mais c'était pas gagné, hein, parce que ce qui s'était passé. C'était pas gagné, oui. Mais il a fait son Suicide Squad entre temps, etc. Mais, que j'ai pas vu, et apparemment j'ai des très bons retours, donc il faudrait que je le voie. Mais... Excellent, quoi le Suicide Squad qu'il a fait. Suicide Squad. The Suicide Squad de James Gunn. Perso, Sam Raimi, moi j'étais content parce que en fait, c'était déjà quelqu'un qui avait déjà travaillé avec Marvel. Et notamment. Le premier Spider-Man était bien. Le deuxième, pour moi, c'est le meilleur de la trilogie, clairement. Et le troisième, on voyait bien qu'il avait été, on va dire, trop encadré pour qu'il soit excellent. Parce que le 3, il n'est pas forcément exceptionnel. Le problème, c'est quand il a fait le 3, il était tellement encadré par Sony et par les producteurs qu'il n'a pas pu faire comme il voulait. Donc le 3, c'est... pas terrible. Et là, en fait, il avait déjà aussi travaillé avec Disney, puisque en fait, son dernier film, Oz. En 2002, c'était Oz, ouais. Alors, j'en ai pas les grands souvenirs, mais moi, j'avais kiffé ma séance de ciné, j'avais trouvé ça vraiment cool à l'époque. Après, 2013. Il fallait que je le revoie. 2013. Et entre 2013 et 2022, il avait pas fait de film. Ouais. Rien. Non, il avait fait un pilote pour la série Ash versus Evil Dead, mais à mon souvenir. Mais entre 2013 et 2022, il avait pas fait de film. Et là, ça faisait plaisir, puisque en fait, comme vous avez dit. C'est que lui, il aime bien ce petit côté dark. Il ne fait pas d'horreur spécialement. Parce que Evil Dead, ce n'est pas non plus le film d'horreur où tu flippes. Hein. C'est à la fois de l'humour et c'est dark. Et c'est suffisant, en fait, pour capter ton attention. Et là, en fait, on est arrivé, comme vous avez dit, à quelque chose d'innovant dans le sens où tu avais eh bien, les Éternels, où là on était sur le côté antique, le côté dieu, enfin pas dieu forcément, mais côté antique, spectacle avec les couleurs, etc. Où tu avais un scénar un peu long quand même, hein, il y avait quand même des zones un peu, des moments un peu longués, mais tu étais axé sur l'histoire antique, etc. Tu avais le Spider-Man No Way Home, où là tu avais du coup du blockbuster, avec de l'action, avec du fanservice, etc. Et là, on est arrivé quand même à un petit côté dark, et je trouve que ce petit côté dark qu'a ramené Sam Raimi, c'est ce qui fait ce film quelque chose de particulier. C'est-à-dire que la scène, par exemple, j'ai beaucoup aimé, c'est la scène où ils sont suivis par Wanda dans les égouts. Bah, j'ai bien aimé, même si, ouais. C'est peut-être, si on a tout à l'heure disait que la Terre 838, le passage, il servait à rien. Bah, ce passage-là, il était pas obligé de se passer sur 838, mais j'ai trouvé bien avec ces systèmes de portes qui tombaient. Et à un moment, tu sais, la porte se ferme, t'as plus un bruit. T'entends juste l'eau, les égouts. Enfin, ça, c'est bien. C'est pas ce que tu vois forcément dans les Marvel. Donc, Sam Raimi, c'est pour ça que c'était... Puis c'est une valeur sûre, c'est un peu comme James Gunn. C'est une valeur sûre, hein. Faut dire ce qui est. C'est quelqu'un qui connaît bien. Et puis la scène, là, on en a parlé tout à l'heure, mais avec les notes de musique, etc. C'est... Enfin... Je suis persuadé que là-dessus, ça va faire l'objet d'un reshoot. Je sais pas vous, mais obligé. Je vois pas comment ils ont pu faire. Moi, tu vois, par exemple, le reshoot, je le sens bien dans les scènes avec les Illuminati. Moi, là, je sens un peu le reshoot, quoi. On peut pas le savoir, tu vois. C'est que des suppositions, mais je sais pas. C'était tellement ouais. Ils sont dans une toute petite pièce là, puis t'as Xavier qui arrive dans son fauteuil. Je trouvais ça ridicule un peu. Fin... Oui, en plus c'est. Fauteuil électrique. Ouais, c'est... Moi je dis rien parce que ce fauteuil je l'adore, c'est le fauteuil qu'il a dans la série des années 90. Ok, ça pour le coup. Ouais. Oh, c'est bon, merci monsieur l'expert, merci. Non mais alors pour le coup, on en avait parlé sur le live, je pense que s'ils lui ont filé ce petit fauteuil là avec la musique du générique des X-Men de 90 quand il arrive, c'est parce que sur Disney Plus sort la suite de la série des années 90. D'accord, ok. Ah oui, 90, ils ont prévu de sortir la suite. C'est la suite de l'anime de l'époque. Alors je pense que le clin d'œil est là pour amener vis-à-vis de pour la série justement. Et de toute façon, ils font jamais rien au hasard. Hein, donc, ouais, ça c'est sûr. La scène post-générique. Et après, nous t'avons dans le podcast. La scène post-générique. Bon Max, je sais pas si t'as. Moi ça m'a. Alors la première scène post-générique là, elle m'a complètement paumé. J'ai capté ce qui se passait. Mika va te l'expliquer. Vas-y Mika, explique. C'est sûr que quand on connaît pas Cléa, c'est particulier. Ouais. On voit juste une meuf débarquer, lui dire toi viens là, on y va. C'est ça. Et lui il est là, il fait bon, elle est mignonne, on y va, tu vois, c'est presque à tel point tu sens qu'il a les yeux rivés sur elle puisqu'il y en a un troisième qui s'ouvre. Mais oui, c'est vrai. C'est la chance. C'est Cléa. Alors dans les comics, c'est surtout elle a été une ennemie de Strange comme une alliée. D'accord. Mais ça a aussi été sa femme. Ah oui. Ouais. Donc je pense que ça amène le fait. Mais la chance. Attends, qui voudrait avoir pour femme Charlize Theron, lève la main. Je lève la main. Max lève la main. Je vois, il lève la main. Donc. Voilà, tous ceux qui écoutent le podcast, levez la main, ceux qui veulent voir comme femme. Ah non, j'ai mon voisin lève la main. Ton voisin aussi, bah voilà, ton voisin aussi, lève la main. Même mon chat lève la patte. Les miens, pareil. Mais en gros, c'est plus une voyageuse interdimensionnelle comme America Chavez. Ok. C'est la fille de Dormammu. Multivers. Voilà, c'est la fille de Dormammu. C'est une sorcière, c'est une sorcière. Okay. C'est une sorcière. Dormammu, qui était le grand méchant du premier film. Ah, ça, j'ai adoré. C'est sa fille. Et là, elle vient le chercher, et justement, sur la manière dont elle tourne les phrases, c'est il y a eu un problème dans le multiverse, il y a eu une inclusion qui a été faite, pas Strange, mais lequel ? Parce que c'est pas dit, elle dit Strange, il y a une inclusion qui a faite, on va régler ça, et il part avec elle. Donc, le souci, c'est est-ce que c'est une inclusion dans un univers qu'il a visité où il est passé au travers, peut-être aussi, parce qu'il est passé dans cette scène-là, ou est-ce qu'il y a un autre Strange qui est en train de foutre la merde et qui prend un Strange pour régler le problème. Moi, ce que j'ai apprécié, honnêtement, on disait des trucs qu'on n'appréciait pas. Excuse-moi, mais l'histoire d'amour entre Christine et Doctor Strange, moi, ça c'est m'a gonflé. On n'en a pas parlé. Ça m'a gonflé, mais ça m'a gonflé, et en plus, je vois pas ce qu'il lui trouve. Honnêtement. Que ce soit dans le 1, dans le Doctor Strange 1 ouais. et celui-là, je ne vois pas ce qu'il lui trouve. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Cléa, déjà, elle arrive à peine, elle en jette, tu vois. C'est Charlize Theron. Mais bon, elle arrive, tu te dis, ah, t'es curieux, toi, de voir, t'es curieux de voir ce qu'elle va apporter à Doctor Strange ou à son univers. Alors que Christine, enfin, excuse-moi, voilà, quoi. C'est pas... Et là, je suis bien content. C'est que Sam Raimi, j'espère que Cléa sera la femme de Doctor Strange par la suite. On verra, parce qu'avec le MCU, on ne sait pas. Enfin, ils prennent des comics, en fait, pour mettre dans le MCU, mais ils prennent ce qui les intéresse. Donc, ça se trouve, ils ne vont pas en faire sa femme, hein, ils vont faire une alliée ou pas. Je ne sais pas. Mais si tu veux, je suis bien content que Christine Palmer elle sera de côté. Maintenant, on va sur un personnage intéressant, Cléa, voilà, et sur Charlize Theron. Parfait. Voilà, c'est très bien. Merci, Sam Raimi. Ah ça, par contre, Marvel, pour dégoter littéralement tous les acteurs d'Hollywood, ils sont, mais c'est les boss, quoi. C'est toujours... Et il manque qui c'est ça, la question, quoi. Je suis déçu, finalement, parce que j'aurais aimé avoir Tom Cruise en... Oui, les fameuses rumeurs, Supérieur à Iron Man, ouais. Bah, j'aurais bien aimé voir Supérieur à Iron Man, j'avoue, avec Tom Cruise. Attends, malheureusement, il y a même eu Angelina Jolie pour dire, donc voilà quoi. Oui, non, mais oui, c'est. Brad Pitt. Ils n'ont pas eu Brad Pitt. Non, mais un mec que je kifferais voir dans l'univers Marvel, dans l'MCU, c'est Dwayne Johnson. Ah, ça pourrait être fun en vrai. Pour franchement. Coup, il est chez la concurrence là. Après. Non, mais je kifferais voir Dwayne Johnson arriver. Ça me ferait rire. Dans quel super-héros il pourrait incarner, je sais pas, mais il arrive, tu vois. Et puis lui, il arrive, tout le monde se tait, tu vois. Ah ben. Bonjour, je suis The Rock, bonjour. Hop, tu te tais. Tu dis rien, tu admires la personne. Il manque Brad Pitt, c'est pas mal. Bah, Brad Pitt, honnêtement, son caméo dans Deadpool était excellent. Ah, il avait fait un caméo, je me souviens pas. Ah, il joue la main visible. Ah bon? Tu vois que c'est lui au moment où en fait, il s'électrocute quand il saute de l'avion. Enfin, ils sautent tous en parachute. Ah d'accord, parachute, c'est d'accord, oui, ils sautent tous de l'avion, ouais. Ils meurent tous les uns derrière les autres, et en fait, quand il s'électrocute, c'est Deadpool 2, ça. C'est ça, il reprend son apparence, et tu vois que c'est Brad Pitt, et j'étais mort de rire. Ah, pas regarde, mais j'ai pas fait gaffe. C'est génial, tu vois. Combien il a pris pour cette scène, on saura jamais. Je sais même pas s'il était un acteur qui serait bien. Leonardo DiCaprio. Ah oui, mais oui. Je le vois pas du tout dedans, mais... Bah, ça dépend. Il y a tellement de personnes qui sont très intéressant. Faut voir. Je sais pas s'il accepterait, tu vois, pour le coup, mais ouais. Il est tellement, lui, dans la sélection de ses rôles ultra... Ouais, faut voir. Après, ils ont quand même là chopé récemment, ils ont chopé Christian Bale pour jouer dans Thor Love and Thunder. Oui. Moi qui n'aime pas Bale, ça... c'est vrai. Ouais. Oh, il est excellent. Ça dépend des films. Moi, dans les Batman, je le trouve un peu froid, tu vois, mais. Bah, vu que je déteste la trilogie Nolan, tu vois, ça aide pas. Mais, ah bah non. Ouais. Moi, je la déteste pas, mais je le trouve très froid. Il a un jeu très froid et moi, ça me repousse un peu, tu vois. Mais ouais. En plus, les premières images de gore. Bah, disons ça que. Va. Non. Ça moi j'ai bien aimé par contre, tu vois, les designs qui sont sortis sur ce perso. Mais après, je suis pas du tout les comics ni rien, donc j'ai pas de comparatif. C'est vraiment juste, j'ai vu, j'ai bien aimé. Mais ouais. Moi, visuellement, je trouve qu'il ressemble plus normalement, tu vois, à Voldemort sous testostérone. Ok, d'accord. Maintenant que tu me dis ça. C'est vrai que... ouais. Wingardium Leviosa. Merde, bien joué, Thor. Il va prendre le Mjolnir et faire le multivers, c'est le multivers. C'est ça, mais Daniel Radcliffe, je verrais bien dans le MCU, tu vois. En fait, ça va être Harry Torter. Harry. En tout cas, les gars, merci. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Mika. Je pense qu'on va garder Mika tout le temps parce que c'est toujours bien agréable d'avoir Mika. Merci Mika beaucoup d'être venu à ce podcast. De toute façon, on va se retrouver pour ce Miss Marvel parce que je te réinvite à chaque fois. Donc voilà. les prochains sera sur Miss Marvel. On va regarder la série et puis on fera un épisode. Je pense qu'on fera un épisode sur Thor 4 avant qu'il sorte. On va voir. Thor 4, moi je l'attends vraiment beaucoup pour le coup. J'avais adoré Ragnarok et. De quoi ? C'est un personnage que t'aimes bien, Thor ? Surtout depuis Ragnarok, en fait. Moi, j'ai surtout adoré Ragnarok et donc j'ai hâte de incroyable. Voir. Incroyable. Ragnarok, ouais. C'est incroyable. Puis le film me fait mourir de rire. ouais, vraiment, ouais. Donc, hâte de voir ça. Merci, Max. Non, merci à toi. Alors, Max, c'est mon frère. Non, arrête. Commence pas, il m'énerve. Max, vous vous retrouvez sur DLP Podcast. Oui, alors une fois tous les 6 mois. Non, parce qu'on a deux de près. Oui. On a deux de près. On a deux de près et un bonus. Oui, il y en a trois. Mais ton bonus, il est arrivé avant. Oui, sûrement, oui. Mais non, il y en a des prêts. Oui. Non, là, le podcast, ça va être Miss Marvel les prochains. Et après, ça va être Thor, je pense. Et après, je clôturerai la saison 1 pour faire la saison 2 en septembre. Ok. Pas de podcast l'été. L'été, c'est repos. Voilà, c'est repos. Quelle est ton actualité, Max? tu viens de le dire. On a les deux podcasts qui vont arriver. Je ne sais pas quand, mais ils vont arriver. Un hors-série. Oui, un hors-série. Tu veux spoil ou tu veux pas le spoil? Oui, je peux spoil. Ça sera un hors-série sur les comédies musicales du West End. Donc, j'ai une amie à moi qui a passé 6 mois là-bas et qui a pu voir pas mal de comédies musicales. Donc... Lulu, on t'aime. Lulu, on t'aime, voilà, donc qui a pu voir pas mal de comédies musicales là-bas. Donc, elle va nous en parler, ce sera un épisode hors série, rien à voir avec Disney, Disneyland Paris, etc. Du coup. Et ensuite, est-ce qu'on dévoile, je sais pas, nos deux épisodes si ouais, alors, on aura un épisode donc, qui sera sur les shows de Disneyland Paris, et on aura un épisode qui sera une espèce de battle, même si le but, c'est pas vraiment d'élire un meilleur parc. C'est pas forcément dire un meilleur parc, ce sera une battle entre le Magic Kingdom donc de Disneyland Paris, donc le Disneyland Park, et le parc principal de Walt Disney World, donc le Magic Kingdom de là-bas, où on va recevoir Danae, donc Imagineer Street. Imaginaire. Jamais j'y arriverai. Personne n'y arrive avec Imaginaire Street. Personne n'y arrive. Donc voilà, c'est les actualités, après sinon, non, c'est tout. Hein. Ouais. Et Mika, ton actualité, avec moi. Ah bah, moi, tout fait, on a commencé, on s'arrête plus. Hein. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. En tout cas, merci les gars, ça m'a fait plaisir. Franchement, c'était un épisode sympathique. Je sais pas ce que vous avez pensé, oui. Mais c'était sympa. Oui, oui. De parler d'un film... j'ai pas voulu faire... Mais c'est marrant de voir qu'au final, si tu vois au global, on a un peu le même ressenti tous les trois, quoi, je trouve, sur le truc. Donc, ouais. Donc, Terre 838, allez vous faire voir. Oui, c'est un peu ça. Voilà, c'est le résumé. voilà. Allez vous faire voir. Nous, on a le vrai Docteur Strange. Voilà. Nous, qui est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bisous, Max. Bisous, Mika. À bientôt pour l'épisode 10. L'épisode 10 qui va être sur Miss Marvel, la série. On va faire comme on avait fait la dernière fois pour Moon Knight, c'est-à-dire, on va regarder l'épisode 1, on va faire un débrief. On va faire un débrief en milieu et puis un débrief en fin avec le retour de Laurent, cinématique DLP, et peut-être d'Alexandra, je ne sais point. Voilà. Allez, gros bisous à tous. Bye. Bisous.